to Nicky Bowl. bien sûr, tu es face à Rome avec tous tes pseudo. Votre fesse gauche. Je voulais te voir et on s'est raté. Tant pis pour toi, tu ne me verras pas. Maintenant, je vais rester ici. Oui, il y a une basse là. Mickey. Don't disturb to get up there, please. Klaus is playing so very well. Mickey, je prends ça pour un compliment refoulé. On arrête de se foutre de ma gueule, hein, d'abord, hein, déjà, on est en 2015, Nico, ça suffit. Tu n'as pas eu la prime de Noël? Oh, je suis dégoûtée. Sorry, Klaus, this was a little bit... bon, ok. No comment, hein? Thank you. You were cool too. Enfin, you were better than me. Don't try to understand what Mickey is saying. Okay. One more time, but now I will play it with my bass. Okay. Moi aussi, je m'aime, puisque personne ne m'aime, alors je m'aime. Et là, et toc, et voilà, et ouf.